Le président Madakani est Bien sûr. donc le gouverneur de la BEAC qui demande, qui dit au président, enfin au PCA de la BEAC, qu'en sa qualité d'autorité monétaire nationale, au sens des règles de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi au titre à son titre, enfin à sa fonction, ou bien au titre de président en exercice du conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale et du comité ministériel de l'UMAC, de convoquer donc les réunions extraordinaires du conseil d'administration et du comité ministériel afin d'examiner les implications nombreuses de la loi en cause sur les accords de coopération monétaire, la convention régissant l'UMAC et les statuts. Bref, quand on lit, on arrive à une chose, et en voyant les différentes dispositions, on arrive à une chose, c'est que il sera très clairement objet pendant ces réunions-là, eh bien, de taper sur les doigts de la République centrafricaine. Bon, je crois qu'il faut qu'on rappelle quelques principes essentiels dans cette affaire. Parce que dès le départ, je l'ai dit, j'ai fait des plateaux avec Jonathan, où je lui disais que j'espérais que ce n'était pas les caprices corporatistes d'une institution qui ne veut pas perdre son privilège. Et je voulais parler vite pour voir les manœuvres françaises derrière. Mais on évolue et on commence à voir de plus en plus clair certaines choses. Et là, je suis désolé pour le gouverneur de la BEAC. Je crois qu'il va revenir sur terre très rapidement. On va le déshabiller. On va le déshabiller. On va même le fesser publiquement s'il s'amuse. Est-ce possible? C'est certainement une image. Oui, vous avez bien compris. Oui. On va le fesser. Pourquoi? Moi, je veux rappeler certains principes. D'abord, il justifie son intervention. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a une confusion savamment entretenue par la BEAC qui pose un problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la BEAC décide du fait que le Bitcoin, il ne s'agit pas, si on se réfère au libellé de la loi qui est passée au Parlement centrafricain, où on a bien précisé qu'on n'est pas en train de faire concurrence, et qu'au contraire, la Centrafrique reste solidaire, elle tient ses engagements à l'égard de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. La BEAC, interprétant la loi, décide que le fait que le Bitcoin, c'est ce qu'ils disent, hein, ce qu'ils disent que il s'agit donc d'établir non pas un actif de placement ou d'investissement, mais un actif monétaire destiné à dénouer les transactions entre agents économiques et de la consécration du Bitcoin comme monnaie de référence. Ceci alors même que l'unité monétaire légale des États membres de l'Union est le franc CFA, suivant l'article 6, alinéa 1er de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale. C'est une interprétation abusive. Pourquoi? On le demande. Pourquoi simplement? Jonathan l'a dit. Le Bitcoin n'est pas émis par une banque centrale. C'est le principe du Bitcoin, En de la fait, monnaie digitale. oui, les Le crypto-monnaies. Bitcoin, les crypto-monnaies ne sont pas émises par les banques centrales. C'est le problème que ça pose déjà. On peut même croire que c'est le problème de la BEAC. Le Bitcoin n'est pas émis par une banque centrale. Du coup, il n'y a qu'une banque centrale pour faire concurrence à une banque centrale. Parallélisme des formes. Il n'y a qu'une banque centrale pour faire concurrence à une banque centrale, mon cher Guy Forum. Un État de concurrence, pas une banque centrale, l'État est Non. souverain. Non, non, il faut qu'on rappelle ça. Parce que ce jeu de manipulation, là, où on croit que. On sait voir ça très vite. Et c'est là où nous, on va commencer à dire que bon, c'est la France. Et si c'est la France, nous allons fesser le gouverneur de la BEAC. Tu as bien dit symbolique. On va le fesser, ça veut dire C'est que. une image, parce que Non, c'est c'est clair. impossible dans la Non, réalité. c'est une image Voilà, forte. Je suis un poursuivez, oui. communicateur. J'utilise une image pour que les gens comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer. On se comprend très bien. Vous êtes un maître du langage. Je suis un communicateur. C'est-à-dire que je fais de la communication. Là, c'est pas là. Je dis qu'on va le fouetter parce qu'il y a un problème. Une banque centrale est concurrencée par une banque centrale. Parce qu'ils ont les mêmes fonctions, les mêmes rôles d'émission monétaire. Le Bitcoin n'est pas émis par une banque Tout à fait. centrale. Mais pourquoi épingler Attendez, j'arrive. exclusivement? Je vous relance dans le même Je vous sens en parce que prie. c'est un sujet d'accueil, on ne va pas beaucoup rester Oui, là-dessus. justement. Alors, pourquoi épingler aussi, enfin uniquement le gouverneur de la BEAC quand on se demande aussi pourquoi est-ce que les autres États ou alors d'autres ministres des Finances n'ont pas réagi, par exemple, pour soutenir la Centrafrique dans cette démarche? Alors, est-ce ici, que doit-on entendre quand on sait aussi que la France est partie prenante de cette coopération monétaire? J'arrive, Guy Van. Je vais arriver quelque part pour répondre à votre question. Je rappelle les principes. Les principes. C'est-à-dire que je rappelle quand j'ai dit ça. Une convention n'annule pas la souveraineté d'un État. Une convention n'annule pas la souveraineté d'un État. Ça n'existe pas cette affaire. Un État a des obligations envers une convention qu'il a ratifiée. Mais l'État, la souveraineté de l'État n'est pas annulée parce que je suis membre, je suis partie prenante d'une convention. Ça veut dire qu'au nom de la souveraineté de mon pays, je peux ne plus respecter mes obligations dans une convention. Il faut rappeler ça aux gens. Ce sont des principes inaliénables et indiscutables. Donc, pour revenir à ce que vous entendez dire, mon cher Guy Fondon, il faut rappeler que les accords France-CFA sont expirés depuis 2 ans. C'est expiré, c'est fini. Sauf si on allait renouveler les accords en secret la nuit. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Les accords France-CFA sont expirés. Ils sont allés même plus loin. Il y a un mot consacré que j'oublie. L'année probatoire. Il y a une année probatoire qui était même prévue. Elle est épuisée. Donc, la convention, il faut rappeler que mon cher Guy Fondop, la convention monétaire de l'Union, qui s'appelle Union monétaire d'Afrique centrale, est une émanation de l'ensemble qu'on appelle l'accord France-CFA. Il faut le rappeler. Dans les accords France-CFA, la Banque centrale est un rôle précis parmi d'autres acteurs qui jouent là-dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne suis pas dans la convention. Mais bien, n'en est que l'émanation. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, give on up, la CEMAC n'est pas une communauté monétaire. La CEMAC, c'est une communauté économique. Ensuite, monétaire. Pour ne pas dire politique. Il y a quand même une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, dans la répartition, n'est-ce pas, des fonctions et des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé des ministres qui ne disaient rien. Ils ne disaient rien. Ils n'ont pas soutenu la Centrafrique. Les ministres qui sont liés par la convention dite monétaire ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Donc, ça devient un problème politique. S'il faut exclure la RCA, entre guillemets, la convention, est-ce que ça relève du ressort du gouverneur de la BIAC? Même pas le conseil d'administration. Il faut que le chef d'État siège. Là, on verra plus clair ce qui est en train de se passer. Ça devient un problème politique et on va se égaler tous dans les yeux pour se dire la vérité. Je rappelle et je dis que les accords français-Famongui sont expirés depuis 2 ans. Ils n'ont pas été renouvelés en Afrique centrale. Donc, le franc CFA tel qu'il est là en Afrique centrale est une forme d'anachronisme toléré. Il est toléré. Parce que sur le plan juridique, est-ce que l'accord franc CFA existe encore? Alors, on suivra particulièrement cette actualité en semaine. On verra également si les accords... On va revoir les textes pour voir si les mais accords... Mais il faut qu'on les choses si sont claires. Sont expirés ou pas. Parce que le Wacron est comment? Mais il faut qu'on suive cette affaire-là clairement. Le Wacron est né comment? Qu'est-ce qu'on a dit quand le Wacron est né? Les choses sont claires. L'Afrique centrale n'a pas renouvelé, les pays d'Afrique centrale n'ont pas renouvelé les accords français CFA. On va évoluer. Oui. Il faut qu'on tire les conséquences par rapport à ça. Oui, on va évoluer, oui. D'ailleurs, nous souhaitons que Afrique Média fasse une émission spéciale là-dessus pour qu'on vienne débattre. Avec les tests de tout ça. Tous les aspects. On verra ça. Parce que comment est arrivée cette affaire? Ce n'est pas une décision du président Ouadéra. C'est une décision d'abord de l'Assemblée nationale. Et le président Banda fait bien de mettre l'accent sur la souveraineté. Vous parlez de convention. Je peux me lever un matin, je décide de violer une convention que j'ai signée au nom de la souveraineté de mon pays. Je vais même plus loin. J'ai souvent parlé sur ce plateau que je suis radicalement contre le principe qu'on m'appelle une justice indépendante. Ça veut dire quoi une justice indépendante? Donnez-moi un pays... Sérieux, la justice indépendante aux États-Unis? Nulle part, ça n'existe pas. La justice indépendante? Voilà des chiffons qu'on vous brandit. Bon, la justice indépendante, transparence de la justice, justice indépendante. Vous êtes sérieux? Vous me demandez, moi, M. Bertrand Tassinda, de soutenir un chef d'État qui ferait du Cameroun une justice indépendante? Non! La justice est au service de la souveraineté et au service des intérêts du pays. En Chine, un magistrat chinois peut décider de ce qu'on a vu ici au port autonome de Douala, pratiquement d'attaquer l'État au point même de punir le président de la République. Mon cher frère Banda Kani, vous avez exposé ça ici, que la justice va traîner le président de la République au TCS. On n'a pas vu des magistrats ici traîner le président de la République au TCS. C'est sérieux? Donc c'est l'Assemblée nationale, à l'unanimité. Le président Ouadéra n'a pas 100% l'Assemblée nationale. Il a même une majorité relative. Donc, au nom du fait, deuxième des choses, nous avons des informations que le Fonds monétaire international, sur des engagements pris vis-à-vis de la République centrafricaine, a décidé de ne plus respecter un certain nombre d'engagements, de décaissements. En d'autres termes, par la France, qui est le Fonds monétaire international de la France, de venir égorger et de tordre le cou à la République centrafricaine. Or, lui, il a un programme, 40 milliards de dollars. Le président Ouadéra a un programme de développer son pays. Il a réussi déjà sur le plan sécuritaire à sécuriser le pays. Monsieur Fondom, qu'est-ce qui suit? cessait de lancer les jalons du développement. Donc, le Fonds monétaire international immédiatement a réagi après cette décision et dit que non, avant même la BR, président. Et immédiatement, le gouverneur de la BR réagit dans la suite du Fonds monétaire international. Dans la suite, avait le même discours et dit qu'ils ne reconnaissent pas cette histoire alors qu'une Assemblée nationale, je dis à l'unanimité, il y a une opposition, c'est l'Assemblée nationale. Alors qu'en Europe, c'est un pays là qui gueule, la France. Là. Et on reconnaît les monnaies digitales, dit Fondor. Oui. Les banques centrales européennes reconnaissent les monnaies digitales. Aux États-Unis. Je donne deux exemples pour montrer qu'on est dans n'importe quoi. Au plus fort de la Convention France CFA, parce qu'il faut qu'on soit sérieux maintenant, l'article 7 de l'accord France CFA disait que lorsqu'il y a une crise dans les pays membres de la zone franc, la France a l'obligation de renflouer la devise. Ouais. La France a passé sa vie à violer cet article 7. À l'époque, qui a parlé. Qui a osé blanchir. Attendez, qui a osé blanchir. Deuxième exemple. C'est pas mon état. Vraiment le dernier. Non, en tant que sujet d'accueil, ça fait 40 minutes, c'est beaucoup. Non, en sorte c'est là. Vous qui avez posé, c'est important. Oui, justement, j'ai donné le temps voilà, de développer aussi. Oui, donc je te termine. Il y a un exemple qui n'est pas monétaire, mais qui est même purement économique. Les accords, les APE. Est-ce que les pays de la CEMEC qui ont signé les accords APE? Non, le Cameroun seul a signé l'accord APE. Ça a créé une dynamique dans la sous-région. Ça a été géré. Nous disons de cette façon solennelle, si les petits tintins de la bière là veulent s'amuser avec la Centrafrique... S'il vous plaît, président Badagani, s'ils veulent s'amuser avec la Centrafrique, on ne peut pas s'amuser comme ça. Oui, parce que ce sont nos concitoyens également. Moi, je vous dis pourquoi ce que tu as dit est important. Vous avez un pays membre de la CEMAC, d'une zone monétaire, qui est étranglé par un ensemble de mécanismes que vous voyez, vous pouvez ça. Vous ne dites rien. Le pays doit répondre à ces défis. Vous ne l'aidez pas. Le pays prend sur lui tout en respectant la complexité. Non, vous êtes même gentil. Tout en respectant les contraintes bidons qui sont dans votre convention de l'Union monétaire. Quelle qu'une convention néo-nazie que les Français vous ont imposée, le pays ça, fait tout et tout, va dire que okay, je vais trouver une solution ici pour sortir de l'étranglement. Vous osez lui parler au lieu de l'accompagner. Ça trahisse le rôle flamand de l'Union monétaire. C'est bien compris. Donc, s'il vous plaît, il va falloir même. On a encore deux sujets, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si la Centrafrique est mise dos au mur, elle a le droit de quitter cette union monétaire immédiatement. Et on verra ce que ça veut dire. Parfaitement. D'ailleurs, j'en allais arriver à cette conclusion, président, d'expliquer que c'est le débat de fond. Il faudrait, rapidement, c'est le président Biatiatou, président en exercice. Parfaitement, oui. Ouais, il faudrait rapidement qu'il y ait justement une réunion d'urgence sur cette question-là. Ouais. Et de voir les pays qui ne sont plus intéressés. Parce que le Cameroun peut décider aussi de mettre. Il n'est pas au-dessus des chefs d'État. Merci à vous. Donc nous n'allons pas accepter qu'on étrangle carrément, qu'on brime dans le développement et l'ambition d'un pays de la BR, parce que la France vous parle de Wagner et très fâchée que la Russie soit intervenue en fait dans la CEMAC. Et nous soupçonnons le Fonds monétaire et la Banque mondiale d'être complices de cette histoire. Nous soupçonnons le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et nous trouverons sur leur chemin, c'est-à-dire la France. Nous le soupçonnons. Merci à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.